Les ombres avaient envahi la chambre, voilant la morte de ténèbres. La veuve Dentu se mit à rôder de son pas léger, cherchant et disposant des objets invisibles avec des mouvements silencieux de garde-malade. Puis elle alluma deux bougies qu'elle posa doucement sur la table de nuit, couverte d'une serviette blanche à la tête du lit. Jeanne ne semblait rien voir, rien sentir, rien comprendre. Elle attendait d'être seule. Julien rentra. Il avait dîné. Et, de nouveau, il demanda « Tu ne veux rien prendre ?» Sa femme fit « Non » de la tête. Il s'assit, d'un air résigné plutôt que triste, et demeura sans parler. Ils restaient tous trois, éloignés l'un de l'autre sans un mouvement, sur leur siège. Par moments, la garde s'endormant ronflait un peu, puis se réveillait brusquement. Julien à la fin se leva et s'approchant de Jeanne. « Veux-tu rester seule maintenant ?» Elle lui prit la main, dans un élan involontaire. « Oh oui, laissez-moi. » Il l'embrassa sur le front, en murmurant. « Je viendrai te voir de temps en temps. » Et il sortit, avec la veuve Dentu, qui roula son fauteuil dans la chambre voisine. Jeanne ferma la porte, puis alla ouvrir toute grande les deux fenêtres. Elle reçut en pleine figure la tiède caresse d'un soir de fenaison. Les foins de la pelouse, fauchés la veille, étaient couchés sous le clair de lune. Cette douce sensation lui fit mal, la navra comme une ironie. Elle revint auprès du lit, prit une des mains, inertes et froides, et se mit à considérer sa mère. Elle n'était plus enflée, comme au moment de l'attaque. Elle semblait dormir à présent, plus paisiblement qu'elle n'avait jamais fait. Et la flamme pâle des bougies, qu'agitaient des souffles, déplaçait à tout moment les ombres de son visage, la faisant vivante, comme si elle eût remué. Jeanne la regardait avidement. Et du fond des lointains de sa petite jeunesse, une foule de souvenirs accourait.